never felt so fine. And I doubt if it was ever mine. Not like you hold me. Hold me. Ooh, baby. Love never felt so good. And I doubt if it ever could. Not like you hold me. Il est 6h, ravi d'être avec vous. Et c'est deux fêtes qui sont sur notre calendrier ce matin, celle, la fête de Natacha et celle de César. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier soir, aux alentours de 19h30-20h, un motard est décédé dans un accident qui s'est produit à une cinquantaine de mètres de l'ancien péage de Tina sur la VDE, juste au-dessus de la rue Georges Lec. C'est la quatrième victime de la route en 5 jours. Soyez prudents. Les futurs chefs du Pacifique préparent le concours international de cuisine. Il se déroulera fin octobre à Ciné et il récompensera les meilleurs étudiants de lycées hôteliers du Pacifique. Serge Palermo, propriétaire et gérant de l'auberge des Cogis, a lancé une étude afin de réaliser un téléphérique. Ce projet prévoit notamment de relier le restaurant au point de vue du Belvédère. Dans le reste de l'actualité, un pan de falaise s'effondre en Normandie. Un fort dispositif a été mobilisé, des témoins ayant aperçu des promeneurs. Et puis plus de 24 heures après le séisme qui a frappé le centre de l'Italie, le nombre de victimes est de 241. Dans l'urgence de cette immense catastrophe, les initiatives se multiplient. Le Conseil d'État rendra vendredi sa décision sur la légalité d'un arrêté anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours, divise le gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. Enfin, trois syndicats de médecins libéraux ont signé une nouvelle convention médicale qui porte à 25 euros le tarif de la consultation chez le généraliste à compter du 1er mai 2017. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Alors ce matin, eh bien, il y aura le jeu Ariel, un nom de lessive, ça peut être dans la popoche parce que c'est le concentré, le 3 en 1. Et il y aura également d'autres rendez-vous, ceux des infos, toutes les demi-heures avec Delphine, c'est ok, c'est bon, ça marche. Ouais, c'est pas dans la popoche la lessive, c'est dans la machine. Ah bon ? Tu vas avoir des problèmes toi. Ah bah faut faire les poches avant de faire la lessive alors. Aussi. C'est ça ! Il y a toujours un truc qui traîne dans les poches, va savoir pourquoi, on perd toujours une chaussette. Tu mets tes chaussettes dans les poches ? Non, mais on perd aussi des chaussettes dans la machine. Exactement. C'est un triangle des Bermudes de la machine. Et ouais, je t'expliquerai. Il se passe des choses bizarres. Et puis, dans un instant, une date dans l'histoire. Auparavant, voici LP avec Lost on You. D'énergie, c'est un jour, un événement. Et j'ai retenu trois dates. On y va pour cette éphéméride. J'étais parti pour rechercher les températures. Il semblait qu'il faisait encore un peu chaud ce matin. On va voir ça tout à l'heure. Alors, 1837, c'est l'inauguration de la première ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye. Donc, petit trajet, mais grosse progression. Ensuite, nous avons 1920, c'est les femmes américaines qui obtiennent le droit de vote. Hillary est contente, du coup, elle va pouvoir se présenter. Et 2001, c'est

épousé. On marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé. Il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés. Les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes tomber chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser. Les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour, on se relève, que tout combat finit en trêve. On peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. À 29 ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever. Rendez-vous dans le Morning d'Énergie avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Auparavant, une info à trafic avec un accrochage au caillou bleu. Les véhicules sont sur le côté. Il y a deux véhicules impliqués, mais déjà de gros ralentissements à l'approche de cet accrochage. Et ensuite, ça roule bien. Donc, attendez-vous à des perturbations si vous êtes encore derrière au niveau de Pogotier et tout ça. Ça va venir. Vous allez vous mettre dans l'embouteillage. Ne vous inquiétez pas. On va vous le servir bien chaud ce matin. Chaude également, c'est la journée pour aujourd'hui. 25 à 29 degrés attendus. Il y a déjà 22 degrés sur Nouméa, alors qu'il n'y en avait que 20 hier à la même heure. Allez, le point avec Météo France. Ce matin, le ciel est voilé ou masqué par des nuages d'altitude. Quelques éclaircies se maintiennent sur l'extrême nord, le nord-ouest et la pointe nord-est. Des nuages bas porteurs d'averses circulent sur le reste du pays. Ces averses peuvent être localement fortes sur les Loyautés, le sud-est de la Grande Terre et l'île des Pins. Le vent est faible, il souffle au nord à 10 nœuds aux Loyautés. Cet après-midi, des nuages d'altitude continuent de circuler. Le ciel est souvent couvert avec des averses parfois fortes qui touchent essentiellement les Loyautés, le sud-est de la Grande Terre, l'île des Pins et le relief. Pour samedi, le temps devient plus instable sous un ciel généralement voilé. Les éclaircies sont encore nombreuses, le matin notamment sur l'ouest. Notez que dans l'après-midi de samedi, les nuages se feront plus nombreux et les averses débordent également sur la côte ouest. Et on arrive à la journée de dimanche qui est moche.

I know one. Can it be that I hear what he's saying? Is there a reason why I'm still awake? And he says, I've got you written in a black book by the railroad track. You see, I know your fate. And I said, you've got to listen. I'm a songbird with a brand new track you underestimate. I give you something to believe in, burning up a basement full of demons. Realize you're a slave till your mind breaks free. Now give me something to believe in. Just give me. When I speak to the moon, pale as a ghost in the afternoon. Tragedy has a hold on my mind, but I can see the light between the le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Bonne fête à Natacha et à César. Mais avant l'info... L'infotrafic. Ah oui, avant le trafic, donc un accrochage entre deux véhicules signalé à 6h15. Merci à nos auditeurs. Cathy nous appelle en disant, au niveau de cet accrochage, ça ralentit pas vraiment plus. La circulation est déjà un peu en accordéon ce matin. Ça roule pas très vite en ce vendredi. Donc voilà, soyez prudents sur la route, parce que Delphine va vous le rappeler, mais il y a encore eu des décès sur la route. C'est pas la route qui tue, hein, c'est les gens qui vont dessus quand même. Allez. Soyez juste attentifs aux autres et un peu de courtoisie au volant, ça pourrait le faire. Merci de vos appels au 05 34 34. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est maintenant 6h30. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier soir, aux alentours de 19h30, 20h, un motard est décédé dans un accident qui s'est produit à une cinquantaine de mètres de l'ancien péage de Tina sur la VDE juste au-dessus de la rue Georges Lec. Conséquence, l'axe a été bloqué dans les deux sens pour laisser les secours intervenir. Mais les pompiers n'ont rien pu faire. Le motard n'a pas survécu à sa chute de plusieurs mètres. Depuis le début de l'année, c'est la quatrième fois qu'un pilote de deux roues meurt sur la route. Alors selon les témoins, le motard qui roulait du Mont d'Or vers Nouméa aurait été percuté par une voiture qui a pris la fuite. Heurtée, la victime aurait ensuite été projetée en contrebas du petit pont sur la rue Georges Lec. D'autres sources précisent au contraire que le conducteur de la grosse cylindrée aurait tenté d'éviter un véhicule avant de chuter. Un téléphérique en projet au Cogui. Serge Palermo, propriétaire et gérant de l'auberge des Cogui, a lancé une étude afin de réaliser un téléphérique. Ce projet, qui semble pour l'heure irréaliste, prévoit notamment de relier le restaurant au point de vue du belvédère, soit 750 mètres de long pour 250 de dénivelé. Les randonneurs et les touristes pourraient ainsi avoir une vue imprenable sur la forêt et la commune de Dambéa. C'est un projet d'avenir structurant pour les Calédoniens et un moyen écologique pour mettre en avant le pays. Voilà ce qu'a estimé Serge Palermo, qui espère également créer autour du téléphérique tout un pôle d'attraction touristique. Dans le reste de l'actualité, jeudi vers 14h, une partie de la falaise de Cré sur une longueur d'environ 100 mètres s'est effondrée en Seine-Maritime entre Fécamp et Saint-Valery-en-Caux. Près de 50 000 mètres cubes de roches se sont écroulés. Un fort dispositif a été mobilisé, 45 pompiers et des gendarmes, pour procéder aux recherches des témoins ayant aperçu des promeneurs. Pendant ce temps-là, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants après le séisme qui a touché l'Italie. Plus de 24 heures après, le nombre de victimes est de 241 et se rapproche désormais de celui d'Aquila en 2009 et de plus de 300 morts. De tout le pays, les bénévoles affluent pour prêter main forte et aide financière au secours. Enfin, trois syndicats de médecins libéraux ont signé jeudi une nouvelle convention médicale qui porte à 25 euros le tarif de la consultation chez les généralistes à compter du 1er mai 2017. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Dans un instant, il y aura l'horoscope sur Energy, mais auparavant, jouons. Sur Energy, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 pour le SMS. Ariel, la nouvelle génération de lessive, 3 compartiments pour une performance de lavage optimale. Et comme il ne va pas faire beau dimanche, on va faire des lessives. On les fera sécher lundi. Bah oui, tu fais les machines le dimanche et tu fais la lessive le lundi. Tiens, on pourrait demander d'ailleurs à Coluche de nous faire le rendez-vous gag de tout à l'heure, 8h-20. Mais bon, bah, je pense que c'est possible. Allez, on joue avec Ariel. Vous envoyez Ariel, A-R-I-E-L, au 3511, 231 francs le SMS. Tiens, je sors tout à l'heure à 7h10. Ça vous laisse 30 minutes pour jouer avec nous et pour gagner un an de lessive. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon vendredi. Aujourd'hui, le 26 août, c'est votre horoscope. Les béliers, vous devrez prendre des décisions importantes. Taureau, une chance sera à saisir pour améliorer votre situation. Les gémeaux, le temps passe. Et il est temps d'agir. Lion, soyez plus naturel. On vous pardonnera plus facilement vos impairs. Vierge, laissez un ami vous aider si vous êtes en difficulté. Balance, soyez plus patient. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Scorpion, à force de trop tirer sur la corde, vous risquez d'aller au-devant d'ennui. Sagittaire, la chance est avec vous. Alors n'hésitez plus et foncez. Capricorne, commencez à mieux vous organiser dans vos projets de rentrée. Les Verseaux, vous continuez à refuser des offres qu'on vous fait, il serait temps de revoir votre copie. Et les poissons, une belle rentrée d'argent est à prévoir en cette fin août. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bobby. Let's go. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Dans un instant, je vous parle de Natacha, son histoire et sa popularité, son caractère. On va voir du côté de l'info avec Delphine. Les nouvelles sont pas super bonnes. Eh bien non, puisqu'il y a un motard qui a été tué hier à Tina, hier soir, juste au niveau de l'ancien péage de Tina. On en parle dès 7h. Faute également avec un accrochage qui a eu lieu ce matin à 6h15 au niveau du Caillou Bleu. Le véhicule qui était sur le côté ne gênait en rien la circulation, mais une circulation qui était quand même malgré tout assez ralentie ce matin. Natacha, qui est Bethel. Eh bien, le prénom est dérivé de Nathalie. La forme ancienne de ce dernier est associée au terme latin Natalis, qui signifie jour de naissance. C'est grâce à l'immigration russe, qui fit suite à la révolution bolchevique de 1917, que ce prénom s'est un peu diffusé en Europe et même jusqu'en Australie. Natacha est plutôt lucide et raisonnable. Les Natacha ont les idées claires et savent exactement ce qu'elles veulent. Actives et sérieuses, elles aiment le travail bien fait et ne renoncent jamais avant d'arriver au terme de leur projet. Passionnées et curieuses, elles sont généralement studieuses. Le prénom a été populaire en 1973 avec 1738 naissances de Natacha cette année-là. L'âge moyen de Natacha est de 34 ans et l'année dernière, il y a eu seulement 42 filles qui ont reçu ce prénom. Énergie Nouméa 93.5. S'il te plaît Henri, passe le riz. Ah, c'est pas du riz. Comment, un curry sans riz? Aujourd'hui, c'est curry panzani. Des pâtes panzani avec mon curry? Réfléchis pas, et goûte, je te dis. Panzani, que bellissima pasta. Le goût de l'Italie en Nouvelle-Calédonie. Y a pas que le riz dans la vie, y a panzani. Mais c'est ça aussi. Jusqu'au 30 septembre avec Nescafé, embarque pour l'été. Il y a une plate à gagner. Une plate? Je veux dire un bateau avec un moteur? Ben oui, un bateau, wow, pour kiffer l'été. Trop bien! Mais alors je fais quoi pour gagner? Pour participer, joins deux preuves d'achat de produits Nescafé à ton bulletin de participation et envoie ou dépose le tout chez Nestlé. Ok, c'est comme si c'était fait. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Nestlé. Bonjour, je suis une offre Volkswagen. Pas une annonce ordinaire comme vous en voyez tous les jours. Moi, je suis une offre Volkswagen. Et voilà ce que je vous propose. Volkswagen Tiguan, à partir de 55 900 francs par mois. Entretien, assurance tout risque et assistance comprise. Vous voyez, je suis une super offre. Je vous l'avais dit. Alors, pourquoi prendre juste une voiture si vous pouvez avoir juste une Volkswagen? Volkswagen. Offre en location longue durée sur 48 mois pour 45 000 km souscrits. Assurance tout risque incluse. Apport 250 000 francs. Restitution du véhicule au terme de la location. Offre réservée aux conducteurs de plus de 23 ans. Sous réserve d'acceptation par Nouméa Renting. Énergie Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. Et ça joue encore pendant 20 minutes avec la lessive Ariel qui vous offre un an de lessive pour jouer. Envoyez Ariel, A-R-I-E-L au 3511, 231 francs le SMS. C'est à 7h10 que je fais le tirage au sort. N'hésitez pas, jouez avec nous. Bonne matinée, bon réveil à tous. Profitez, aujourd'hui il fait à peu près beau. Samedi ça se dégrade, dimanche il pleut. Le meilleur de la zik sur Énergie à l'instant avec Coldplay.

Les futurs chefs du Pacifique préparent le concours international de cuisine. Le concours se déroulera fin octobre à Ciné. Il récompensera les meilleurs étudiants de lycée hôtelier du Pacifique de moins de 19 ans. Une douzaine de binômes s'affrontera lors de ce concours sur le principe de l'émission Top Chef. Ils ont une heure pour réaliser quatre assiettes identiques avec des ingrédients imposés. Mais une attention particulière sera portée sur la manière de s'organiser et de travailler ensemble. Deux élèves calédoniens ont été présélectionnés en mai pour présenter le territoire. Olivier Haard, professeur de cuisine au lycée hôtelier Saint-Louis, les prépare à l'épreuve. Il nous explique aussi la dimension multiculturelle du concours. Vous avez des élèves qui viennent du Japon, alors qui ont une technique complètement différente de la nôtre. Ils ont une façon différente d'aborder l'école, c'est-à-dire qu'ils apprennent la cuisine beaucoup plus tôt que nous. Donc arrivés à 18 ans, ils ont beaucoup plus d'expérience, donc le niveau est très élevé. Vous avez les élèves de Taïwan aussi, ils sont très très forts, pratiquement aussi, si ce n'est même meilleurs que les Japonais. À côté de ça, vous avez des Australiens, des Néo-Zélandais, des îles Cook, qui ont un bon niveau, mais qui restent à peu près similaires au niveau que nous on a en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas tous la même façon de cuisiner. Hein. On est tous tributaires de nos origines. Les Australiens, ça va être beaucoup plus de cuisine bouillie, par exemple. Les Japonais, ça va être plus axé sur la découpe, le décor. Les Taïwanais, sur l'organisation, la rapidité. Donc on s'entraîne tous les mercredis après-midi et on refait cette recette en améliorant toujours la façon de travailler, l'hygiène, la communication, les techniques pour arriver avant le concours à un résultat parfait, quoi, qu'il n'y ait plus une erreur. Il faut que les élèves, au moment du concours, n'aient plus à réfléchir. Il faut que ce soit instinctif. Un projet de téléphérique pour les Cogis, qui est ton projet. Et Serge Palermo, le propriétaire et gérant de l'auberge des Cogis, a donc lancé une étude afin de réaliser un téléphérique, un projet qui semble pour l'heure irréaliste et prévoit notamment de relier le restaurant au point de vue du Belvédère, soit 750 mètres de long pour 250 de dénivelé. Les randonneurs et les touristes pourraient ainsi avoir une vue imprenable sur la forêt et la commune de Dumbéa. C'est un projet d'avenir structurant pour les Calédoniens et un moyen écologique pour mettre en avant le pays. Voilà ce qu'estime Serge Palermo, qui espère également créer autour du téléphérique tout un pôle d'attraction touristique. Dans le reste de l'actualité, un pan de falaise s'effondre en Normandie. Jeudi vers 14h, une partie de la falaise de Cré, sur une longueur d'environ 100 mètres, s'est effondrée en Seine-Maritime entre Fécamp et Saint-Valery-en-Caux. Près de 50 000 mètres cubes de roches se sont écroulés. Un fort dispositif a été mobilisé, 45 pompiers et des gendarmes pour procéder aux recherches. Des témoins ayant aperçu des promeneurs, les recherches ont été stoppées dans la nuit, aucune victime n'ayant été retrouvée. La préfecture de Seine-Maritime appelle à la plus grande prudence car les fortes chaleurs fragilisent les roches. Il est fortement déconseillé de se promener justement au pied des falaises. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants après le séisme qui a touché l'Italie. Plus de 24 heures après le séisme qui a frappé le centre de l'Italie mercredi, le nombre des victimes est de 241 et se rapproche désormais de celui de L'Aquila en 2009 et de ses plus de 300 morts. De tout le pays, les bénévoles affluent pour prêter main forte et aide financière au secours. Dans l'urgence de cette immense catastrophe, les initiatives se multiplient. Suite aux appels aux dons du sang, les hôpitaux ont vite obtenu les réserves utiles aux soins des 400 blessés. Le Conseil d'État va trancher sur le burkini. Et il rendra vendredi sa décision sur la légalité d'un arrêté anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours, divise le gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. S'exprimant pour la première fois sur le sujet, le président François Hollande a donc appelé à ne céder ni à la provocation ni à la stigmatisation, mettant en garde le grand enjeu de la vie en commun dans le pays qui compte la plus importante communauté musulmane d'Europe. Très attendue, hein, la décision de la plus haute juridiction administrative fera jurisprudence. Une trentaine d'arrêtés municipaux similaires pris en France cet été étant en jeu. La consultation chez les généralistes à 25 € est validée. Et trois syndicats de médecins libéraux ont donc signé une nouvelle convention médicale qui porte à 25 € le tarif de la consultation chez le généraliste à compter du 1er mai 2017. Outre la revalorisation de la consultation généraliste qui s'élevait quand même à 23 € depuis le 1er janvier 2011, la nouvelle convention prévoit une hausse de 2 € de la consultation par un spécialiste à partir du 1er juillet 2017. Et puis parmi d'autres mesures, elle instaure également deux nouveaux tarifs à 46 et 60 € pour la prise en charge de situations plus complexes et relève à 50 000 € l'aide à l'installation des médecins dans les déserts médicaux. On passe à l'info insolite. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je t'invite à Bangkok où un couple de jeunes touristes, la femme du couple a plutôt fait une mauvaise blague à son petit ami qui était complètement ivre. Elle a invité un travesti qui s'est grimé en elle. Il a pris les mêmes vêtements, il s'est un petit peu maquillé à sa façon. Et lorsque son petit ami s'est réveillé après une nuit de beuverie avec un gros mal au crâne, il s'est retrouvé face au sosie de sa petite amie avec des vestiges de la soirée. Ils ont fait croire qu'il y avait eu des choses. Et donc là, tu vois, ils ont filmé sans caméra cachée, tu vois le petit ami qui est assez gêné, qui raccompagne le travesti à la porte de la chambre et qui retourne dans son lit en se prenant la tête et en étant pas bien. Il comprend pas, il est pas bien. Et puis alors, il tourne dans le lit vraiment mal jusqu'à ce que. Bon, le calvaire a pas duré très longtemps. Elle a laissé une ou deux minutes comme ça cogiter. Elle est sortie, le travesti est revenu, parce que c'était fait avec sa complicité. Voilà, une petite blague, je crois qu'il est pas prêt de ressortir faire la fête comme ça. Voilà. De se mettre minable, voilà. Il va être plus raisonnable. Voilà, c'est clair. Ah, ils étaient en vacances aussi. Il y en a qui ça a dû arriver pour de vrai. Hein. Il n'a pas pris la voiture, peut-être aussi. Ah tu le raconteras ta vie un peu plus tard, hein, Delphine. On veut pas voir les détails. Oh, rien à dire. C'est le week-end, justement. Prudence et prudence aussi sur la route. Allez, dans un instant, France, et on fait le tirage au sort du jeu Ariel. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. On my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry, oh. My face turned blue. I rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close. Your mistake had a price. Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry, démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Pas mal hein, le titre qui vient de passer, France, c'est Nouveauté Énergie avec If I Were Sorry. France, ça s'écrit F-R-A-N-S. Et Ariel, ça s'écrit comment? Ben, vous allez me le dire dans un instant. C'est l'heure du coup de fil gagnant sur Énergie. Un plus deux multiplié par moins. Joue au jeu de l'addiction Cadbury. Trois fois par semaine, trouve la solution à l'opération proposée par le professeur, l'animateur, et envoie ta réponse au 3511 avec ton prénom. 231 francs le SMS. Sur Énergie, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 francs le SMS. Le voici le coup de fil gagnant. Un an de lessive avec Ariel 3 en 1, Pods. On va vous en dire plus tout à l'heure. Pratique hein, quand même comme lessive. Hein. Alors, quelqu'un nous a envoyé un SMS, c'était assez tôt ce matin visiblement, issu du tirage au sort. À 6h41. Bienvenue sur la messagerie vocale du 4. Voilà, bon, on va laisser le message. Pas joignable pour le moment. Ah bon ? Veuillez laisser un message après le signal sonore. On laisse après le message. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Vous le modifiez, vous, souvent, votre message ? Non, c'est bon. Bonjour, on est en direct sur Énergie. Salut, répondeur. Merci de nous rappeler. C'est le jeu Ariel et c'est gagné. Bravo ! Voilà, je pense que c'était bien comme message. Ça doit faire plaisir à la personne qui va l'entendre dans un instant. Ariel, 3 en 1. Ah, on va voir si on ne le rappelle pas. Allô, allô. Oui. Bonjour, c'est toi qu'on vient d'appeler ? Voilà. Ben, t'étais où ? Ben, j'étais là. J'étais là, du tout. Mais t'as pas entendu le téléphone ? Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben alors, mais non, il était dans ma poche en plus. Alors. Ah ouais, tu l'as laissé vibrer. Bon, alors. Voilà, exactement. Alors, quel est ton prénom ? Isabelle, voilà, c'est Ariel qui a bien récompensé, super. Super. Bon, alors va falloir choisir son jour de lessive hein, ce week-end. Dimanche, il pleut vachement quand même. Ouais, donc on va éviter, on va essayer de faire ça samedi. Ouais, hein. Par exemple. Ariel 3 en 1, tu as déjà utilisé cette lessive ? Oui. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est drôlement bien. En plus, c'est très efficace. Ça prend pas de place dans les placards parce que d'avoir les trois produits dans le même emballage, c'est super pratique. Voilà. Les avantages, ça nettoie, ça enlève les taches et ça donne de l'éclat. Et ça marche aussi bien sur les lessives, sur les couleurs que sur les blancs. C'est pas mal ça. Oui. Ouais, bon. Voilà. Bon, bah, parfait. Pas mal. C'est pas mal. Isabelle, merci d'avoir joué avec nous. 6h41, t'étais encore à la maison ou sur la route ? Non, je suis déjà au travail. Wow. Très bien. On n'a pas ouvert encore, mais je suis déjà au travail. C'est parfait. Bosse bien. Prépare-nous tout ça. Isabelle, merci en tout cas de ta voix ensoleillée ce matin, parce que ça va en rajouter un peu de soleil. Hein. Ouais, le ciel est gris. Wow. Voilà. Mais bon, je rappelle, hein, la pire journée, c'est quand même dimanche. Je ne voudrais pas vous abattre le moral, mais il va falloir trouver des activités. Hein. Voilà. Génial. Ne raccroche pas. On va t'expliquer comment profiter de ce cadeau dans un petit instant. Merci. Merci. Bye bye. 10 lots sont à gagner, chaque lot d'une valeur de 12 505 francs, soit un an de lessive. Ariel, 3 en 1 pods. Nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel, la nouvelle génération de lessive 3 compartiments, pour une performance de lavage optimale. Envoie Ariel au 3511. 231 francs le SMS. Gagne un an de lessive tous les jours sur Énergie. Énergie, Nouvelle-Calédonie. 93.5. Vous aimez rouler en vélo, roller, trottinette ou skate en toute sécurité ? La voie côté mer de Lansbata vous est réservée ce dimanche de 8h à 17h. Vous pouvez profiter maintenant d'un dimanche en mode doux sur Lansbata. Plus d'informations sur nouméa.nc. Ville de Nouméa. Partageons l'événement ! Jean-Jacques, avez-vous pensé à passer les commandes de Noël à nos fournisseurs ? Je voudrais que tout soit livré à temps cette fois-ci. Ah oui, vous avez raison. C'est tellement de vérifications et de relances. Les fournisseurs sont toujours débordés à cette période. Nous, chez IES Nouvelle-Calédonie, pour respecter vos impératifs de délai, nous relançons chacun de vos fournisseurs individuellement, puis transportons, dédouanons et vous livrons. IES Nouvelle-Calédonie, le logistics partner qui facilite la vie des professionnels à Noël et tout au long de l'année. C'est la dernière étape pour tous les aventuriers des Trésors du Sud. Les 24 et 25 septembre, direction l'île des Pins. Le package est à partir de 26 900 francs par personne, incluant transport, location de voiture, hébergement en camping et repas, voire conditions en agence. Une dernière chasse au trésor fabuleuse à réserver dès aujourd'hui, car les places sont limitées. En famille ou entre amis, faites du Sud votre terrain de jeu. Renseignements sur destinationprovincesud.nc. Jusqu'au 2 septembre, sur Énergie, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 francs le SMS. Et si on t'appelle, c'est gagné. 10 lots sont à gagner, chaque lot d'une valeur de 12 505 francs, soit un an de lessive. Ariel, 3 en 1 pods. Nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel, la nouvelle génération de lessive, 3 compartiments pour une performance de lavage optimale. Gagne un an de lessive tous les jours sur Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. You're gonna break me, you're gonna hate me, you're gonna sink that sudden death suddenly. Ooh, baby, everything is alright. You think I'm pretty sick, no one is such a prick. You just can't imagine it's a trick I adore. Ooh, baby, everything is alright. Ooh, baby, everything is alright. Ooh. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Ouais, ben autant que depuis le début de la semaine, ça roulait à peu près bien. Ce matin, c'est la cata. Origine de ces gros ralentissements, c'est un accrochage aux alentours de 6h15 au niveau du Caillou Bleu entre deux véhicules qui sont rapidement mis sur la droite, donc qui ne génèrent rien la circulation. Mais depuis, ça s'est fortement aggravé. On nous dit que en partie depuis 6h30 de Païta, on est encore bloqué dans Coutio à 7h15. Coutio qui est complètement engorgé. Depuis la pointe à la Dorade, c'est bouché également sur la Save. On me dit aussi que depuis 5 minutes à peu près, ça n'avance plus du tout dans le col de Tongué. À peine arrivé en haut du col, eh bien voilà, ça ralentit, et c'est plus que ralenti puisque maintenant c'est carrément bouché. Visiblement, il n'y a rien eu d'autre. Si vous voyez quelque chose qui pourrait ralentir cette circulation, n'hésitez pas à nous appeler au 05 34 34. Pour l'instant, on n'a recueilli que des infos en nous disant on est bloqué, ça bouchonne, ça n'avance plus. Vous allez être encore en retard ce matin, malheureusement, et c'est des épisodes de retard qui se renouvellent assez régulièrement. Ceci dit, c'est aussi la journée internationale du chien. Et oui, le 17 août, je crois que c'était la journée du chat. Là, c'est la journée mondiale du chien. Ça insiste surtout sur le lien qui unit depuis des millénaires les hommes et les chiens partout dans le monde. Son origine, c'est comme souvent le cas pour de nombreuses journées mondiales, elle est anglo-saxonne et elle est fortement soutenue par le IFAW, c'est le Fonds international pour la protection des animaux. Et cet organisme œuvre au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des chiens dans le monde entier en apportant son soutien à tous les projets, toutes sortes de projets qui visent à améliorer la qualité des soins qui sont prodigués à nos chers toutous. Énergie 7h22, à suivre la météo. Et pour l'inforoute, infotrafic 05 34 34. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Étudiants, futurs étudiants, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Oh, tu m'entends? T'es au courant? Speed Marine sera présent au Salon de la Mer et du Bateau à partir du vendredi 2 septembre. Cette année encore, toute l'équipe de Speed Marine sera là pour vous faire rêver. Présentation des semi-rigides Capelli, essai des moteurs électriques Torquido, présentation des nouveautés de chez Accastillage Diffusion et tellement plus encore. Speed Marine te donne rendez-vous au Salon de la Mer et du Bateau du 2 au 4 septembre pour un festival de nouveautés. Speed Marine, membre du réseau Accastillage Diffusion, c'est à Nouville-Plaisance et sur Facebook Accastillage Diffusion NC. Attention, ce sont les derniers jours. Envoie Compote TV au 41. Mais non, c'est pas Compote TV qu'il faut envoyer, c'est Apple TV au 41. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo. Énergie t'offre l'Apple TV 64Go et la Nimbus, la manette de jeu sans fil pour jouer sur ton Apple TV. Envoie Apple TV au 41 pour regarder les chaînes de télé, écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo, tout ça sur ta télé. Envoie Apple TV au 41 et pour 368 francs, gagne un cadeau de 54 980 francs. Envoie Apple TV au 41. Jeux gratuits, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le mercredi 30 août à midi en direct sur Énergie. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Amateurs de concerts live, de découvertes musicales locales et internationales, de soirées entre amis. Avec le live en août GBNT Events, retrouvez The Higgs et leur rock alternatif survolté en live ce vendredi à la Barca, samedi au 1881 et dimanche au bout du monde. Le live en août GBNC Events 2016, c'est du folk, du rock, du reggae et du blues dans vos établissements préférés de toute la Calédonie. Tout le mois d'août et c'est gratuit. Tout le programme sur Facebook GBNC Events en partenariat avec Énergie. Le bulletin. bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. 22,5 degrés déjà relevés par Météo France sur la station de Magenta. C'est une des plus belles journées, ce sera plutôt samedi. Hein. Aujourd'hui, le temps est comment ? Eh bien, le temps est couvert et voilé ou masqué par des nuages d'altitude. Quelques éclaircies se maintiennent quand même sur l'extrême nord, le nord-ouest et la pointe nord-est. Des nuages bas porteurs d'averses circulent sur le reste du pays. Ces averses peuvent être localement fortes sur les Loyautés, le sud-est de la Grande Terre et l'île des Pins. C'est pas beaucoup mieux hein, cet après-midi puisque des nuages d'altitude continuent de circuler. Le ciel est souvent couvert avec des averses parfois fortes encore qui touchent essentiellement les Loyautés, le sud-est de la Grande Terre, l'île des Pins et le relief. Et les températures maximales vont poursuivre dans une fourchette de 25 à 29 degrés. Demain, le temps devient plus instable sous un ciel généralement voilé. Les éclaircies sont encore nombreuses le matin, notamment sur l'ouest. Mais dans l'après-midi, les nuages se font plus nombreux. Les averses débordent localement vers la côte ouest. Et dimanche, on va au cinéma. Ouais, parce que le temps est perturbé. Et ça commence par l'ouest, puis gagne l'ensemble du pays. Le ciel est le plus souvent couvert et pluvieux avec des pluies parfois fortes. Le vent s'oriente à l'ouest, puis au sud-ouest et se renforce autour de 15 nœuds. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook.

détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre cuisine savoureuse et variée sur les toits de Lanzarote. Nous, on fera plutôt le barbecue samedi parce que dimanche, il va quand même pleuvoir pas mal. Mais Roland Magdan, lui, fait le barbecue le dimanche. Imagine, t'as une maison. T'as la chance d'avoir une maison avec un petit jardin. Il fait beau, c'est le premier dimanche où il fait beau. Et là, comme par hasard, t'as les mecs qui déboulent chez toi à l'improviste. Oh ouais, on passait dans le quartier, alors on s'est dit, tiens, on va aller les voir. Bon, bah écoutez, puisque vous êtes chez nous, là, vous allez bien rester déjeuner. Ah bah ouais, tiens, on n'y avait pas pensé. Et 5 minutes après, ils sont comme chez eux. Ouais, si on mangeait dans le jardin, si on déjeunait dans le jardin. Et là, pour toi, le merdier commence. D'abord, faut nettoyer ta table de jardin, qui est restée dehors pendant tout l'hiver, et qui est recouverte de merde d'oiseaux. Et t'es là avec ta raclette, là. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils bouffent, ces oiseaux, là ? Putain, elles sont bien dures, leurs chures de merde. Au bout d'un quart d'heure, t'en as ras-le-bol. Dès que ta femme a le dos tourné, tu mets la nappe directement. Sur les caquets d'oiseaux. Ça y est, chérie, j'ai tout fini. Et ta femme, elle arrive, elle te dit bah, « Ouais, ça va pas, t'as mis la nappe à l'envers. » Touche pas la nappe blanche. Non, j'aime bien les couleurs pastel, moi. Alors, bah, chérie, je m'occupe de tout, vas-y. Va dans la cuisine. Là, tu mets les couteaux, les verres, les fourchettes, le couteau, tout le merdier. Reviens, ça m'est après. Non, mais ça va pas, t'as oublié la rallonge. Oh non. Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait une rallonge? Parce que tu m'as pas demandé. Si tu m'avais demandé, je te l'aurais dit, mais tu me demandes jamais rien. Et comme tu fous jamais rien à la maison, dès que tu fais quelque chose, tu fais toujours que des conneries. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose, les mecs? C'est bon, je suis pas tout seul, ça. La rallonge, puis après, bien entendu, comme t'as mis la rallonge, la nappe est trop petite. Oh merde. Chérie, elles sont où les nappes? Dans le placard des nappes. Il est où le placard des nappes? À côté du placard des torchons. On a un placard pour les torchons? Mais c'est une folie financière! Après, t'es en train de déplier toutes les nappes pour en trouver une grande. Et c'est une fois que tu l'as dépliée que t'aperçois que c'est une petite. Oh merde. Alors la première, bon, tu la replies bien comme il faut pour pas te faire engueuler. Et à partir de la deuxième, tu commences à les rouler en boule et à les bourrer dans le placard avec le pied. Chérie, je trouve pas de grande nappe. T'as qu'à en prendre des petites. Arrive le barbecue. Alors, je sais pas vous, mais moi je me demande toujours comment des hectares de forêt peuvent s'enflammer en 5 minutes. Avec soi-disant un petit mégot, là. Alors que moi, avec 4 litres d'alcool à brûler, 2 boîtes d'allumettes familiales, il me faut minimum 2 heures pour allumer 4 petites brindilles. Attends, une fois que c'est allumé, c'est pas fini. Après, il faut souffler dessus pour pas que ça s'éteigne. T'es là. Pendant que tes copains prennent l'apéritif, tranquille, toi t'es là comme un con là. 3 quarts d'heure après, t'es toujours sur tes brindilles, mais tu commences à avoir un petit coup de barre. Quand tu te relèves, les merguez sont pas cuits, mais toi, t'es brûlé au 3e degré. Ah, chérie, j'ai mal, t'aurais pas vu mes lunettes. Chérie, mes lunettes. Non, je sais pas où elles sont, t'avais qu'à les ranger, je peux pas non plus toujours passer derrière toi. Si j'étais pas là, je me demande bien ce que tu deviendrais. osmose, les mecs. Bon, t'inquiète pas, chérie. Je vais chercher mes lunettes dans la cuisine. Tu vas dans la cuisine? Oui, je vais dans la cuisine, oui. Pars pas les mains vides! Alors, là, celle-là, c'est la pire. C'est que nous, les mecs, on entend ça depuis tout petit. Du coup, tu pars chercher comme un mulet. Tu fous tout dans la cuisine, et là, tu dis, bon, je vais aller me planquer dans les toilettes pour être peinard. Je suis bien là. Et là, t'entends ta femme qui t'appelle de loin. Chérie. Je sais que tu es dans les toilettes. Oh merde. À table. Et alors là, tout le monde s'installe. Alors là, quand tu manges dehors dans le jardin, il y en a toujours un qui est mal assis. Genre assis bancal. Le pied de la chaise dans le trou de la taupe. Ça va, Gérard? Ouais, bien, bien, bien. Tu veux qu'on t'attache? Oui, mais vite, hein. Quand tu vois aussi qu'il s'est tapé un petit bout de saumon froid, vite fait, il s'est chopé une arête, il a... Qu'est-ce que ça, René? J'ai avalé une arête. Mange la mie de pain. Ça fait la quatrième paquet. Arrive alors le melon. Moment très important car le melon correspond avec l'arrivée d'une guêpe. Qui est là en mission de reconnaissance. Et dès qu'elle voit arriver ton melon, appelle immédiatement son chef d'escadrille. Allô Roger, Roger. Ici Frelon Futé. Au-dessus de la table des cons qui bouffent dehors, là. Je viens de voir un melon à l'horizon, là. Non, non, je suis passé devant l'étiquette. C'est pas de la merde, c'est du cavaillon. On va s'éclater le dard. Attention, les tranches sont dans les assiettes. Suce au cavaillon. Bon appétit à toutes. Terminé. Et là, t'as toutes les guêpes du quartier qui déboulent. Et là, pour lutter face aux guêpes, chacun a sa technique. T'as celui qui essaie de les découper en plein vol avec son couteau. Celui qui n'a peur de rien, qui les attrape à la main. Ça y est, je l'ai. T'as aussi l'ami des bêtes. Faut pas bouger, si tu bouges pas, elle te pique pas. Sur mon nez, s'il ne bouge pas, il ne me pique pas. Alors lui, à force de ne pas bouger, il a tout sur son nez. Des guêpes, des fourmis, des abeilles, des moustiques. C'est plus un nez, c'est une ruche. Bon, ben, je vais y aller, parce que là, j'ai le nez bourré de miel. Allez, bon barbecue à tous. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. N'oubliez pas le buffet crevette à volonté tous les jeudis soirs. Just a game. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. À suivre, Vandercoot qui va nous dire pourquoi se mettons du concombre sur les yeux. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Ma collègue Kulkin, il a 36 ans, natif de l'arrondissement de Manhattan à New York. Il est principalement connu pour ses films tournés dans son enfance. Il apparaît tout d'abord très jeune dans les seconds rôles, puis devient très rapidement une vedette en 1990 grâce au film Maman, j'ai raté l'avion. Pour l'anecdote, il joue dans cette comédie aux côtés de son frère cadet, Kieran. Et grâce au succès mondial de ce film, il devient de 1990 à 94 l'enfant acteur le mieux payé de tous les temps et il enchaîne ensuite plusieurs films grand public, My Girl, Maman, j'ai encore raté l'avion ou encore Richie Rich. Daniel Lévy, lui, il a 55 ans. En 91, il participe à la comédie musicale de Catherine Lara, Sand et les Romantiques. En 93, il est engagé dans par les studios Disney pour interpréter en duo avec Anne Costa la chanson « Ce rêve bleu » pour le générique du dessin animé Aladdin. Et puis, le succès, c'est en 2000. Il sort de l'ombre en incarnant le rôle de Moïse dans la comédie musicale d'Eli Chouraki de Pascal Obispo, Les Dix Commandements. Il porte au sommet de tous les charts la chanson « L'envie d'aimer ». Après le triomphe des Dix Commandements, il revient à ses premières amours et c'est la composition d'album. Énergie 7h52. Attention sur la route, hein, ça bouchonne fortement. Pas d'accident particulier, seulement un accrochage à 6h15 au niveau du Caillou Bleu. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouméa 93.5. Coco. TV. Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Aujourd'hui vendredi, retrouvez avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV. Au programme, zoom sur la richesse du patrimoine calédonien avec Daniel Picouli. Découvrez le Wounclaw, le nouveau pansement révolutionnaire. Également votre rubrique Mémoire d'ici revient sur la nomination du petit chef de la tribu de Sénon. Alors n'oubliez pas, Coco TV c'est aujourd'hui vendredi avec les nouvelles calédoniennes. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. Ce soir, on se retrouve tous à l'Afterwork Thank God It's Friday dans les Jardins du Deck, complexe Château Royal. Ce soir, DJ Agoriakil. Plus d'infos sur le Facebook du Deck. Les Bois du Pacifique. tout l'univers du bois et notre expertise à votre service. 26 20 62. Découvrez toutes les nouveautés des bois du Pacifique sur Facebook. Samedi 3 septembre, 19h, rendez-vous à l'Arène du Sud de Païta pour le Festival des Arts Martiaux. Un spectacle familial incroyable en son lumière avec 14 disciplines d'arts martiaux. Billets sur ticket.nc, FS Sport, Hôtel du Centre, L'As de Trèfle et Pulsion Sport Païta. C'est le moment. Le moment de vous réaliser. D'oser l'extrême. Renault 4 Gère tout équipé à partir de 2 898 500 francs. Renault, la vie avec passion. Aérodrome de Magenta, Nouméa, 250505. All right, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée. Énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Pourquoi se mettant des concombres sur les yeux? Ridicule! Avec les bigoudis, votre masque de jour et les concombres sur les yeux, prévenez bien les enfants de ne pas rentrer dans la salle de bain! Vous me direz, avec la bactérie E. coli, mieux vaut les avoir sur les yeux que dans son ventre! Trop drôle, professeur! Ah, stagiaire Bernardin! Après le concombre, v'là le con qui encombre! Si les femmes mettent des concombres sur les yeux, c'est parce que nous n'avons pas le monopole de la bêtise! En attendant, le concombre peut rester dur! Une semaine, lui! Un partout. Le concombre a des vertus rafraîchissantes en salade. Pareil sur les yeux! Ah, c'est difficile à introduire, hein! Mais il faut le trancher, Bernardin! Composé à 95% d'eau, il hydrate idéalement la peau pour calmer ses fameuses crises de coupe rose. Nourrissant pour la peau, mais également le cerveau, il est un bon antistress du fait de la présence de pyridoxine, un anxiolytique particulièrement efficace. Même les Grecs s'en servaient pour calmer certaines ardeurs sexuelles. Tu sais que tu m'excites, toi! Vite, vite, un concombre! Mais non, j'ai ce qu'il faut, hein. Le cucurbitacé présente également un rapport calorique quasi néant. Un bon régime commence toujours par un bon concombre. J'ai rajouté de la mayonnaise parce que ça avait pas de goût. C'est pas le régime du con, vous. Ah non, non. C'est plutôt le régime du con, on dirait. Ah ouais, ouais. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Les routes étaient fortement encombrées ce vendredi matin de tous les côtés de Tongoué ou encore sur la Save. Bonne fête à Natacha et à César, il est 8h. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier soir aux alentours de 19h30, un motard est décédé dans un accident qui s'est produit à une cinquantaine de mètres de l'ancien péage de Tina sur la VDE juste au-dessus de la rue Georges Lec. C'est la quatrième victime sur nos routes en 5 jours, soyez donc prudents. Les futurs chefs du Pacifique préparent le concours international de cuisine. Le concours se déroulera fin octobre à Sydney. Il récompensera les meilleurs étudiants de lycée hôtelier du Pacifique. Serge Palermo, propriétaire et gérant de l'auberge des Cogis, lance une étude afin de réaliser un téléphérique. Ce projet prévoit notamment de relier le restaurant au point de vue du Belvédère. Dans le reste de l'actualité, un pan de falaise s'effondre en Normandie. Un fort dispositif a été mobilisé car des témoins avaient aperçu des promeneurs. Plus de 24 heures après le séisme qui a frappé le centre de l'Italie mercredi, le nombre de victimes est désormais toujours provisoire et s'élève à 241 personnes. Dans l'urgence de cette immense catastrophe, les initiatives se multiplient. Le Conseil d'État rendra vendredi sa décision sur la légalité d'un arrêté anti-Burkini, tranchant ainsi un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours. Et puis, 3 syndicats de médecins libéraux ont signé une nouvelle convention médicale qui porte à 25 euros le tarif de la consultation chez les généralistes à compter du 1er mai 2017. Enfin, la couturière française Sonia Riquiel est décédée. Elle avait 86 ans et c'était des suites de la maladie de Parkinson. Elle était l'incarnation de la femme libre connue pour ses rayures noires et colorées. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Saint-Etienne verra les poules. Bah oui, les Verts, ils disputeront la phase des poules de la Ligue Europa en compagnie de Nice cette saison. Et oui, après leur qualification face au Beltar Jérusalem, c'était ce matin. Le score 0 partout. Les Verts se sont procurés 3 occasions en seconde période, mais ont manqué de réalisme. Seule petite surprise de ces barrages de Ligue Europa, le champion de Biélorussie, le BAT Borisov, battu 0-2 à l'aller à Astana, n'a pas réussi à rattraper son retard en concédant un nul 2 partout sur sa pelouse. Le BAT Borisov est donc éliminé. Eh tiens, les poules, elles reviennent puisque le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des Champions a livré son verdict. Et notre trio français a été plutôt épargné lors de la constitution par l'UEFA des 8 poules de cette édition de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera entre autres Arsenal, l'Olympique Lyonnais devra batailler avec la Juventus Turin, tandis que Monaco retrouvera Tottenham dans un remake des poules de la dernière Ligue Europa. Ronaldo couronné. Et oui, le verdict est tombé et il est d'une logique implacable en concurrence avec Gareth Bale et Antoine Griezmann pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année. Cristiano Ronaldo a été récompensé de son incroyable saison avec le Real Madrid et le Portugal. C'est la deuxième fois depuis la création du trophée qu'il est élu. Avec son précédent sacre en 2014, il est désormais l'égal de Lionel Messi de partout. Renaud Lavillenie n'est pas en forme. Et quelques jours après avoir perdu son titre olympique à Rio, il a eu du mal à retrouver ses sensations jeudi au meeting de Lausanne. Le Français a passé sans souci 2 premières barres à 5,62 m et 5,72 m, mais il a échoué 3 fois à 5,80 m. Il termine deuxième du concours, ex aequo avec un Polonais, derrière l'Américain, qui lui est vainqueur avec une barre de 5,92 m. C'est le nouveau record du meeting. C'est fini ? C'est fini. C'est fini, j'étais en train de voir si on n'avait pas le nom du Polonais quand même. Si, mais c'est du... Piotr Lisek. Ah, t'es fort, hein, Polonais. Je savais que t'avais pris ça en deuxième langue. Allez. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, caféine avec FitZone. 3 jours d'essai gratuits, un coach pour vous conseiller et des cours à essayer. Plus d'infos au 24 16 80. Tout ça parce que c'est son cousin. Voilà, c'est ça. Alors, bon les gars, les filles, je vais avoir besoin de vous ce matin. Écoutez-moi bien, ça va être super important. Parce que avant le bidule, c'était ça. C'était une poubelle à pédales que l'on ouvre. Ça a été gagné. D'accord. Il y a un nouveau bidule aujourd'hui. Donc ça redémarre à 6000, donc va pas y avoir beaucoup d'appels. Ah, il a été gagné hier. Mais oui, il a été gagné hier. Ah là là. Ah oui, 44 000. Bravo Ludo, 44 000 dans la poche, in the pocket. Et donc ça tombe bien, parce qu'en plus, il a gagné ça chez Casino Johnston, et comme il y a les promos au week-end, il va pouvoir en profiter plus encore. Mais bon, le bidule repart à 6000, donc forcément, va pas y avoir des tonnes d'appels, les gens se bousculent pas au début. Donc quand on lancera le jeu tout à l'heure, ce sera vers 8h, quelle heure on est, 8h, 9h moins 20. 8h40, d'accord. Donc vous appellerez en masse, s'il vous plaît, pour pas me laisser tout seul. Je vous fais déjà écouter en exclusivité le nouveau bruit. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien... Les gens vont dire marcher sur des graviers, des choses comme ça. Dites-moi n'importe quoi, en tout cas, ça me servira tout à l'heure. Je vous donnerai le top. Merci, vous êtes bien gentil de m'avoir écouté. Allez, maintenant, je vous envoie de la musique. On se retrouve tous à l'Afterwork, Thank God It's Friday, dans les Jardins du Deck, complexe Château Royal. Ce soir, DJ Agoriakil. Plus d'infos sur le Facebook du Deck. Les Bois du Pacifique. Essence noble, bois de construction, agencement et déco. Les Bois du Pacifique, 29 avenue de la Baie de Coutu à Ducos ou sur Facebook. Besoin de changer de look? Découvrez l'expertise de nos coiffeurs visagistes de la maison de beauté La Villa. Toutes les infos au 29 88 90. Attention, ce sont les derniers jours. Envoie Compote TV au 41. Mais non, c'est pas Compote TV qu'il faut envoyer, c'est